Thank you. Thank you. tu danses le reggae. Avant de partir manger, juste un petit point. Reprends-le, hein. voir sur le 1. Nager dans nos souvenirs, alors j'irai cultiver ma peine en terre sacrée. loin de tout, loin de vous pendant quelques années. Des cascades bleues, mon père, des perles nacrées. J'irai cultiver ma peine en terre sacrée. Ba ba ba ba ba. Je m'éloigne et le son me soigne. Dans ma tête, les notes se mélangent et les basses la serrent. Pas de trêve dans la musique malgré les basses. Ici même pour faire la fête, c'est ce que je dis à l'entrée. Respirer, me reposer comme je l'ai dit à l'intro. On est bien où on est, mais on peut voir le reste. Le globe a plusieurs tests. Paris par là, Paris par-ci, par-ci, par-là. Paris qui croule sous les quatre saisons, Paris qui brille un peu plus de son éclat. Thank you.